Radio Plus Productions présente. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Avec nos animateurs préférés, à ma droite, il n'a pas changé, le Jurassic Park des ondes, Bob du club. Bonsoir les filles. Vous l'avez rempli tout l'été. Qui c'est qui l'a rempli? La boîte mail de Maurice. Bonjour. Il en a des blagues ce soir à raconter. C'est normal pour une cruche d'être rempli. Il arrive bien chargé aujourd'hui, chargé de blagues bien sûr aussi, des blagues mignonnes et gentilles comme d'habitude, c'est GG. Mais Fifi, pourquoi t'as pas fait du ménage comme dans les autres radios? Ils ont viré toutes les vieilles, et elle est toujours là. Parce que le problème c'est que si on vire toutes les vieilles, l'émission s'arrête. Enfin bon, à une rare exception, le réalisateur. Face à eux, une autre équipe, un permanent bien sûr, qui va nous annoncer une bonne nouvelle. Oui, j'ai pris un pseudo. Ah, il s'appelle Maman dans ta gueule. Frédéric Oster. Ouais. Il est de bonne humeur encore aujourd'hui. On le voit dans tous les parcs d'attractions de la région parisienne. On l'a vu en photo. C'est vrai. On va pas tous les citer, mais c'est Manu. Ah. Bonsoir. Il va se faire Mickey. Il rentre dans tous les costumes. L'émission sera réalisée par Davy, comme chaque semaine. C'est pareil, t'as pas trouvé autre Philippe chose. Philippe Bello. Ah oui. Alors. Bravo, Bello. Il y aura des nouveautés, hein, vous allez le voir. Non. Je refuse. Avant toute chose, oui. Frédéric, comme chaque semaine, nous avons un invité. Mais bien sûr, et nous démarrons cette saison dont va se marrer avec Mathias Seignier. Bravo. Salut Mathias. Salut tout le monde, merci. Alors tu vas voir que la promo est bien faite dans cette émission puisque c'est Maurice qui va tout nous dire. Monsieur promo. Même les Mongoliens comprennent. Mathias Seignier joue tous les vendredis. Oui. À partir de 21h au théâtre Pandora. Oui, parce que le théâtre Pandora, c'est le spectacle de DSK. Voilà. Qui se trouve 30 rue Keller dans le 11e arrondissement et le métro, c'est Bastille. Dans un spectacle en toute absurdité. Oula, ouais, c'est pas mal. Parce que ça, c'est pas facile à dire pour Maurice. On s'est briefé avant. Oui. Alors, le spectacle, donc, c'est un one man. Tout à fait. Qui tourne autour de l'absurdité. Voilà, ça tourne beaucoup autour de ça. C'est un petit peu mon style, c'est l'absurde. Après, il y a des... Comment ? Là, t'es bienvenu dans l'émission. Là. Oui. T'as ce qu'il faut. Bah oui, là. On m'a dit ça, donc moi, je suis venu. Il y a pas de souci. Et puis bon, j'ai quelques sujets de société comme le bio. Je parle un peu de Paul Le Poulpe, voilà. Le regretté Paul Le Poulpe. Le regretté, ouais. Et je voulais lui rendre hommage. Et puis voilà. Et puis après, plein de sketchs qui n'ont ni queue ni tête, mais voilà. Ce sont donc un spectacle que tu as écrit. Que j'ai écrit tout à fait, entièrement. Et que tu joues tout seul. Et que je joue seul, oui, c'est un peu le principe du one man show. C'est ça. Mais non, mais t'as fait un one man show cet été avec trois plateaux sur un comique. Non, c'est l'inverse. C'est trois plateaux sur un comique, c'est quand je vais bouffer au resto. Donc ce spectacle au Pandora à Paris, il y a également des dates en province éventuellement ou pas encore? Pas encore, j'attends. J'attendais que. Par cette émission, il y a des gens qui me contactent, voilà. Donc t'as un Facebook. J'ai un Facebook, tout à fait. Vous pouvez me demander en ami, voilà. Si vous avez une bonne tête, je vous accepterai. Il y a pas de problème. Donc l'émission est très variée. Il y a des jeux, il y a des questions. Il y a une nouveauté. Donc on a au cours de la soirée deux flashs très spéciales. On n'accorde pas parce que c'est une marque déposée. Deux flashs très spéciales. Oui, parce que c'est une marque déposée. Donc, et vous verrez ce que c'est donc dans quelques instants. Et puis on a aussi donc des blagues foirées de Maurice, des épreuves. Oh, pas du tout. Je crois que cette année encore, cette émission va être une épreuve. La première, c'est le baptême des équipes, puisque vous formez deux équipes. Voilà. Et vous allez vous affronter avec des questions. Bob, Maurice et Gégé, vous avez une petite idée pour l'équipe de Fred, Manu et Mathias? Les maigrichons. D'accord. Pourquoi c'est vrai que t'as pris un peu, Manu. Oui. Les maigrichons, parce que faut dire que Fred a perdu 25 kilos. Non, c'est beau. 11 kilos, c'est... Oui, mais bientôt 25. Voilà, ça dépend où tu es en France. Et tout ça avec une épilation. Oui, c'est vrai qu'il est pelu comme un ours quand même. Il s'est fait épiler au laser. Le plus dur, ça a été de le rentrer dans la platine laser. Mais après, non, mais après, en appuyant sur le bouton. Non, mais vas-y. Alors, continue parce que je suis en pleine forme. Ah, oulala. Alors, les maigrichons. Alors, Mathias, c'est à toi. Lâche-toi. Voilà. Lâche-toi. Non, mais moi, on m'avait dit qu'en face, il y avait des vieux, donc ce sera les vieux. Je suis désolé. Mmh. Ah, bah voilà. Tu veux pas, si c'est tu très veux pas rajouter con. Alors donc, ça sera les maigrichons face aux vieux cons. Et les jingles partent toujours aussi bien. Une première question avec un premier point à marquer exactement. Faut appuyer sur le buzzer, je crois. Que se passe-t-il lorsque l'eau gèle en ce qui concerne son volume? Ah, il augmente. Il augmente. Bah là, c'est en même temps, hein, donc faut trouver une autre question. Non. Quel gaz de l'air est nécessaire à la combustion? L'oxygène. Non. L'azote. Non. Ah, l'hydrogène. Le paix. Non. L'hydrogène. Non. C'est l'oxygène, normalement, la combustion. L'hydromel. Non. Est-ce qu'on s'approche? C'est un gaz rare? Le néon? Le gaz carbonique? Ah, ça veut pas être le gaz carbonique. C'est un gaz, hein, d'accord. Quand tu vas allumer le feu, c'est... L'hélium. Non. On les a tous fait. Hein. Ah non. C'est un gaz naturel. Le dioxyde de carbone. Non, mais ça commence pareil. Le monoxyde de carbone. Le dioxyde d'azote. Le dioxygène. Jeanne d'Arc. Le dioxygène. Et ben voilà, c'est l'invité qui trouve. On a dit l'oxygène. L'oxygène. Vous avez dit oxygène, mais pas dioxygène. Voilà. Donc je propose, pour bien commencer la saison, une première blague envoyée par un auditeur à Maurice. C'est nouveau, ça. Le réalisateur est content. Chez le dentiste. Envoyé par qui? Celui-là, c'est par Jérémy. Chez le dentiste. Vous avez une dent morte. Je vais vous faire une couronne. Non, merci. Enterrez-la sans cérémonie. De Georgette de La Rochelle. Ah, de La Rochelle. Ah, je la connais bien, elle prend pas cher. Quel animal s'appelle Charles? On sait pas. La raie. Pourquoi? La raie Charles. La raie Charles. Ah, ça, elle est pas mal. J'avais pas compris non plus. Donc, dans quelques instants, nous allons voir si nous faisons mieux que Maurice. Ah bah, ça sera pas difficile. Il y aura la première tournée de blagues. Ça me sera. Mince. Oui, Maurice. Si je vais faire toute la saison. Est-ce que tu comprends tes questions? Oui. On revient juste après la pause avec Mathias Seigné. Retour, on va se marrer avec Mathias Seigné. Mathias à l'affiche dans Toute Absurdité, actuellement à Paris au théâtre Pandora, Maurice. Pandora. C'est Avatar, Pandora. C'est rue Keller. Mais alors tes idées, elles te viennent d'où en fait? C'est des idées de tous les jours? C'est plus l'actu? C'est plus... J'ai remarqué quand j'étais agent, j'avais pas trop d'idées. Oui. Et puis... C'est une belle ville pourtant. pas mal. Il est en forme le Manu, hein. Ouais. Non, je sais pas. J'ai développé un humour comme ça, un peu cynique, un peu absurde. D'où me vient ça, je ne sais pas. C'est un mystère, mais en tout cas, je le cultive sur scène. Ça marche plutôt pas mal jusqu'à présent. Tant mieux. Voilà. Et c'est un peu stand-up avec une participation publique ou... Ouais, vraiment, en fait, des fois, je pose... Participation du public et surtout financière. Voilà, surtout à la fin. Surtout à la fin. Parce qu'en fait, c'est un spectacle au chapeau. Mais non, en fait, oui. Je pose de temps en temps des questions au public. Ouais. Mais c'est un peu de l'arnaque parce que je leur fais croire qu'il y a une interactivité. Alors quoi qu'ils me répondent, en fait, je sais ce que je vais dire. Mais ils sont contents parce qu'ils ont l'impression que c'est un spectacle pour eux, que c'était comme ça pour eux ce soir. Bon, j'espère que tu as révisé tes blagues. Car les traditions dans l'émission, c'est la bonne tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors Gégé qui commence toujours avec une petite mignonne. Oh, gentil hein, pour commencer l'année. Qu'est-ce qui est rouge et qui fond dans la bouche? Ah, ça commence bien. Je crains le pire. Gentil, celle-là, oui. Personne, bon. Un gland de lépreux. Ah, non. Qu'est-ce que ça va être? fait bon goût. Mais cela, c'est soft, il a dit. Mmh. Pourquoi les Belges ont-ils arrêté le Walter Polo? Bon, bref. Même ça, il n'y arrive pas. Walter Polo. Bon, on refait là depuis le début, alors. Allez. Ah, ça va pas recommencer. Ah, non, mais non, mais qu'on l'est bien, au moins. Pourquoi les Belges ont-ils arrêté le Walter Polo? Ah, bah, ça, on sait pas, hein. Ah, ils noyaient trop de chevaux. C'est l'histoire d'un chasseur qui raconte ses aventures de chasse. Il dit, moi, un jour, j'ai vu un ours énorme. J'ai voulu l'abattre, mais j'avais plus de balles, je m'en suis pas rendu compte. Alors, je me suis mis à courir. Et bien, au bout d'un moment, il allait m'attraper, il était là, et hop, il glisse. Alors ensuite, j'ai réussi à m'enfuir, puis... Il me rattrape, et hop, clac, il glisse à nouveau. J'ai réussi à m'enfuir quand même, et puis à m'enfermer, tu vois, et puis voilà. Disons, bah, t'as quand même de du pot. Moi, à ta place, j'aurais chié mon froc. Bah, tu crois que c'est sur quoi qu'il a glissé? Philippe Bello, c'est immonde. L'avantage des blagues de Philippe, c'est que quand il commence à les raconter, on croit qu'on les connaît. Et en fait, hop, non, il bifurque sur autre chose. Oui, oui, c'en est une autre. Bon, alors, c'est un couple de motards. Et donc, c'est Jean-Claude et Josiane. Et Jean-Claude rêve depuis des années de s'acheter une nouvelle paire de bottes. Paire de bottes. Ah. Et donc, il va dans un magasin et il trouve sa paire de bottes qu'il veut, mais vraiment, donc il l'achète. Il rentre chez lui et il fait, il est avec ses bottes, et puis il dit, dis donc chérie, est-ce que tu remarques quelque chose de différent sur moi? La femme le regarde, bon, non. Alors, très énervé, il s'enferme dans la salle de bain, il se fout à poil et il revient, toujours avec ses bottes. Et il demande à sa femme, alors maintenant, est-ce que tu remarques quelque chose de différent? Non, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il y a de différent? Elle pendait hier, elle pend aujourd'hui, elle pendra encore demain. Jean-Claude, énervé, qui dit, oui, bah, si elle pend, c'est parce qu'elle admire mes nouvelles bottes. Et Josiane qui répond, bah, t'aurais dû acheter un nouveau casque. Attention à la blague de Mathias Seigné. Alors, je la découvre en même temps que vous. Hein. Ah. Je prends les plus courtes. Alors, qu'est-ce qu'une femme a tous les mois aussi. Attends, faut que je fasse la voix du blague. Alors, qu'est-ce qu'une femme a tous les mois et qui dure 4 jours? Personne ne voit. Le salaire de son mari. Oui. Bob, tu confirmes, hein? Oui, je confirme. Tellement vrai. Et comme ta femme écoute l'émission maintenant. Bob, c'est sa pension de retraite. Alors, c'est un monsieur qui arrive à la poste, en fait, et ce monsieur, il a un bras dans le plâtre. Donc, forcément, il est un petit peu embêté, il arrive au guichet, et la guichetière qui est derrière, il lui demande, écoutez, je suis désolé, mais est-ce que vous pouvez, par hasard, inscrire, l'adresse, sur ma carte postale, parce que, bien sûr, monsieur. Ah, bah, écoutez, par la même occasion, est-ce que vous pouvez écrire, je suis bien arrivé, merci beaucoup, ici, il fait chaud, il fait beau, c'est les vacances, c'est l'été, merci, Thierry, quoi, voilà. Mais écoutez, pas de problème, elle écrit, etc. Et il regarde, il fait, écoutez, est-ce que vous pouvez ramener mettre un PS à la fin? Bah, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous excusez pour l'écriture. Alors, dans l'émission, donc il y a une épreuve qui s'appelle T'es pas cap. Je vous demande, je pose une question aux deux équipes, et donc il faut surenchérir. Faut pas sauter. Hein. Je vous demande combien de modèles de Dacia êtes-vous capable de me citer? Qu'est-ce que c'est que ça? Dacia, c'est des voitures. C'est une marque de voiture. Ah. Voilà. Alors, les vieux cons, vous pouvez me citer combien de Dacia? Aucune, parce qu'on les connaît pas. Ah, bah si. On connaît pas les Dacia. Une. Ah. Une. Une seule. Il y en a une. Bah, deux. Ah, moi, j'en connais aucune. On se lance dans un truc quand même de modèles. Il y a des modèles de Dacia. Ça me paraît beaucoup. C'est vrai que Dacia, c'est un. Je sais qu'il y a des voitures. Une voiture low cost. Dacia, mais les modèles. Ah, bah, c'est pour ça. Mais attends, mais moi, je. Au revoir, garde-les tes bagnoles. Enfin, si on peut appeler ça des voitures d'ailleurs. Bon, nous on dit, vous avez dit deux, vous. Deux. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez en faire trois, Bob? Non. Elles sont connues comme les Dacia. Non. Mais attends, mais c'est pas des voitures. On va pas dépenser si peu. Non, bah bon, alors, donc, elle est marrante, la travelotte, j'aime bien. Oui, c'est Renault qui fait ça. Alors donc, les maigrichons pour deux modèles Dacia, je vous écoute. Bah, la Logan et la Sandero, par exemple. Il y a même la Duster. Il y a la Duster aussi. Oui, il y a la Duster, exactement. Bah oui, bonne réponse, bravo. Ah, bah, ouais. on est bon. Eh ben, on vous les donne, on n'en veut pas. Alors, il y avait la Nova, la Supernova, la Solenza. La petite Nova, la grande Nova. Il y a les voitures pour les personnes âgées aussi. Mami Nova. Bah, donc, c'est un point de marqué, c'est quand même pas mal. Ce sont les étoiles. Hein, c'est même très bien. Je pense, Mathias, que tu t'intéresses à l'actualité. Ah, tout à fait. Donc, juste après la pause, nous aurons un flash d'information, car dans cette émission, maintenant, nous faisons place à l'information. Un peu d'information, restez avec nous, on revient avec Mathias Seigné. Retour, on va se marrer. Ouais. Avec Mathias. Bon, alors Mathias, dans l'émission, nous avons Frédéric Koster ici présent, qui que tu croises peut-être d'ailleurs, que tu as peut-être déjà croisé sur des plateaux, j'en sais rien, vous avez déjà joué ensemble? Je le croise souvent, on s'est croisé en concert d'ACDC je crois en 95. On s'est croisé parce qu'il avait des cheveux. Voilà, merci. Non, mais parce que lui, il appréciait le concert et moi j'étais sur une civière. Il était déjà aussi méchant. Bah, moi, j'ai pas trop parlé, mais il m'a vomi sur la manche. Ah, bah, parce que je me souviens. Donc, t'es masochiste. Alors, quelqu'un a un stylo pour que je raye le nom de cet imbécile? En attendant, place à l'actualité. Flash! Très spécial. FX s'est donc suicidé cet été en se jetant sous une voiture. Oh. Réaction de Loana. Oh là là, toute une histoire. Moi, tout Paris, même le RER me sont passés dessus et je suis toujours vivant. Grand succès pour les JMJ à Madrid, avec plusieurs milliers de jeunes de 13 à 18 ans. Sa sainteté le pape se réjouit. Je me réjouis, oui et non. J'ai pas eu assez des curés pédophiles pour s'occuper de tout ce petit monde. Affaire DSK, un nouveau témoin s'ajoute à l'affaire. La cousine de Nafissatou Diallo, Séraphine Ouagamouloulou. Non, Ouagamoudou, enfoiré, tu écorches mon nom comme les femmes adultères en Afghanistan, toi, hein. Je tiens à préciser que ma charmante cousine, Nafissatou, n'est pas une pute. Elle se fait payer pour baiser, c'est pas la même chose. L'autre abruti de Gicleur, là, il a essayé de les... Il a essayé de l'étouffer avec son asticot de contrebande. Et après, il a voulu payer au ticket resto. C'est pas une baraque à frites, ma cousine, hein. En plus, il lui a tout salopé son tablier. On aurait cru qu'elle avait vomi son flambi, hein. Moi, je le connais bien, DSK. Il est venu manger dans ma baraque à frites. Dans mon établissement gastronomique à la Goutte d'Or. Hein, le singe qui fume. J'étais penché dans le congélateur pour aller chercher du poisson et crac, il m'a soulevé mon boubou. Et alors, il vous a violé? Alors, c'est-à-dire que pas tout à fait. J'ai été surprise et surtout, ayant quelques problèmes gastriques, j'ai lâché une perle. Le problème, c'est que ma cuisinière fonctionne au gaz. Ça a fait un coup de grisou. J'ai pas pu m'asseoir pendant 15 jours. Regarde, ça fume encore. De Philippe Bélier. Ah oui, non, oui. Pas du tout. Si. Allez sur le site de la SACEM, oui. Je suis sûr qu'ils sont déjà déposés. C'est pas faux. Voilà. Donc, puisqu'on en a la rigolade, est-ce que tu connais la blague de Maurice la plus diffusée depuis la création de l'émission? Je la connais, mais j'ai envie de l'entendre parce qu'elle est quand même mythique. Ah, bah c'est la blague du clocher. Ah oui. Allez Maurice, pour notre invité, pour la nouvelle saison dont on va se marrer, la blague du clocher. Heureuse et... pour notre ami Mathias. Voilà. Quelle est la... mon alors... cher ami Mathias. Voilà. Parce que... Il a quand même regardé voilà. le flyer pour dire mon nom. Oui. Hein, ah bah, tu sais, c'est deux... on l'appelle Dory. Hein. C'est 2 minutes de mémoire vive, pas plus. Hein. Et ma main dans ta gueule, c'est dans combien de temps? Ça, c'est déposé, c'est à moi. Voilà. Mon cher Mathias, quelle est la différence? Connais-tu? Regarde, non, ah. Regarde, voilà, il faut que tu le regardes. On s'en fout, on n'est pas à la télé. On s'en fout, on ne nous voit pas. Oui. Mais lui te voit. Ouais, mais on heureusement sent bien que tu ne regardes pas. Tu t'y mets aussi. Allez, vas-y. Mon cher Mathias, oui. Je te regarde dans les yeux. Oui. Là, hein. Je t'écoute, Maurice. Quelle est la différence entre un E et un clocher? Un E? Ça marche. Un E, la lettre? Ah non, mais il fait des variants. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Attends, parce qu'avant, c'était un I. Avant, c'était un I. Ah, oui. Elle était bonne aussi. C'est E, la lettre. Hein. Ah, il faut voilà. dire. Alors, dans ce cas-là, il faut dire je ne sais pas. Hein. La lettre E, voilà, un clocher. Oui. Oh, je... Tu sais pas. Oui, on a beaucoup. Hein, tu casses tout ça, Barra. Tu nous fais chier avec ça. Je te laisse faire ta blague. Le, c'est la... Le, oui, le, c'est la voyelle. Et... Et le clocher, c'est la consonne. Bravo! Oh, bravo! Bravo. Elle est bonne! Elle est bonne! Ah non, là, là, je dois dire que... Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ah non, oui. Je dois non. dire que... Il y a eu du travail. Hein. Ouais, alors moi, on a retrouvé la première. Ah oh, oui. Première... La première fois que Maurice a ça, raconté cette ans, blague. Ça. Écoutez bien. C'était sur Radio. C'était en 1988. Quelle est la différence entre un i et un clocher? Oui. Le public le sait, mais j'attends. La différence entre un i et un clocher? Oui. Non. Alors, le i est une voyelle. Oui. Et le clocher, c'est là où consonne. Il a même réussi. Il y avait des hésitations. Ça fait une semaine qu'il répète. Non, non. Cet après-midi, il l'a fait à tout le monde à la station. Il a dit au moins 10 personnes. Moi je propose. Non, c'est pas possible. Non, moi je non, refais là parce qu'on voilà, la coupera au montage. Voilà, moi je propose qu'on la refasse. Allez, attends, on va vas-y, faire, on fera les surprises. Attendez, alors. Oui. Maurice, une petite blague? Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, une petite blague. De laquelle? Bah, celle du clocher. Allez, allez, une ah autre. Non, celle ah du non, clocher. Non, non, non, non, le non, clocher, celle... Le clocher. Allez. Savez-vous quelle est la différence entre la lettre I et un clocher? Ah, pas du nom. Non. Le i, oui. C'est une voyelle. Oui. Le clocher est une consonne. Mais non. Mais non. C'est la consonne. Non, non. Oh là là là là là. C'est la consonne. Je la sais par cœur. J'aurais dû la jeter. Heureusement. Ah non non non. Ah si tu la savais pas. Le clocher. De toute Allez. Façon, on ne rend pas l'antenne non. tant que tu l'as pas réussi. Alors, Maurice, voilà. Une petite blague. Alors, le i. Mais quel non. le i non, il s'est blague depuis le début. Savez-vous mais... quelle est la différence oui. entre c'est... un i et oui. le clocher? Non. Non. Et un clocher. Ah non. Non. Non. Non. Non. Non. Moins. Non. Alors. Le i, c'est une voyelle. Oui. Et le clocher, c'est la consonne. Ah mais attends, excuse-moi. Mais elle est con. Ah elle est con cette histoire. Quand tu penses. Oui. Elle est con, mais enfin la. Elle a fait du chemin. Heureusement mais que maintenant tout se passe par ordinateur et qu'on a plus des cassettes avec des bandes oui. magnétiques. À l'époque parce que la bande serait usée. Ça quand c'est même, sûr, hein. Ça c'est sûr. À l'époque d'Hitler, t'aurais été déporté. Donc, mais j'ai même après. Oui, mais juste... on a plus le droit parce qu'il y a la Cour internationale maintenant. Oui, mais c'est les droits de l'homme, là. Oui, mais... Dans c'est quelques pas, c'est pas pour... En Chine, peut-être. C'est pas pour Maurice, alors. Ah, ben en Chine, elle va finir en M. Hein. juste elle va empoisonner la moitié de la planète. Oh là là. Ah, ils sont bon, pas la moitié, ça suffit hein. là. Oui, parce que je sens que ça dérange Mathias que, exactement, vous, que vous vous moquiez de Maurice comme ça. Ah, j'aime pas qu'on se moque des handicapés, ça. Il s'y met aussi lui. Eh ben alors, juste après la pause, Maurice, on va le mettre sur la scène. Exactement. Comment ça? Enfin, il va monter sur la scène, on va se marrer pour un petit extrait du spectacle. Ah bah moi si ça peut dépanner. Bon bah ça dépanne. Allez une petite pause et on revient avec Mathias Seignier. Ouais. Re retour, on va se marrer. Et oui, pendant les pauses, on prépare les primaires, comme vous l'avez entendu. Peut-être pas d'ailleurs. Mais là, il y en a d'autres qui sont primaires. Et notre invité cette semaine, c'est Mathias. Et Maurice. Maurice, alors. Mathias, c'est Maurice. Ouais. Docteur promo. Et si vous allez voir son spectacle, vous allez rire. Mathias, on va justement te proposer de monter sur la scène dont on va se marrer pour un petit extrait du spectacle. Oui, un petit, je vais faire un petit extrait, je pense que. Bon, voilà. Bah, tu te lèves, là, puis tu te mets sur la scène. Je vais me lever, je vais me mettre sur la scène parce qu'il y a une grande scène ici. Voilà. Les auditeurs ne le voient pas, mais il y a une grande scène. Voilà. Je vais me mettre debout. Ah oui, carrément. Voilà. Bah, c'est pour vous, Mathias, saignez. Ouais. Merci. Alors, je sais pas si on m'entend. Voilà. Ouais, alors en fait, je vais vous faire un sketch que je fais tout le temps dans ma promo parce qu'en fait, c'est j'en fais qu'un, je fais toujours le même. En fait, c'est le moins bon sketch du spectacle. Ah, ah. Parce que sinon, si je fais les autres, en fait, les gens ils vont trop rigoler et puis après ils vont pas, ils vont moins avoir envie de venir. Ils vont se contenter juste de rire. Donc celui-là, vous vous dites que c'est le moins bon sketch, donc pour vous situer le niveau quand même du spectacle quand même. D'accord. Donc c'est la première fois quand même qu'on a un invité qui se met sur une chaise pour faire son sketch. C'est vrai. À la radio. Et celui-là donc je l'ai présenté chez Ruquier. Je me suis ramassé souvenez-vous, ce sketch a eu quand même 9 sur 20 de la part de Jean Benigni. Mais t'inquiète pas, se prendre un 9 par un acteur de deuxième zone, c'est pas grave. Bon, c'est... je vais vous parler en fait. En fait, moi, j'aime beaucoup Jean Benguigui, Ruquier, tout ça. Parce que je suis en rattrapage, donc je fais attention à ce que je dis, je veux pas me mettre en danger avec des gens qui sont puissants, qui ont de l'argent. C'est quand même une saloperie. Voilà. Donc, je voulais vous parler en fait des gens qui mangent bio, qui achètent bio. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu. Quelqu'un faire ses courses dans un rayon bio, je sais pas si ça vous est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on va manger pour ce soir? Ouh là là, c'est un truc que l'on voit. Alors, des graines de soja poêlées à l'huile de basilic sans colorant, de la purée d'avoine en flocons sans arôme artificiel. Oh, des écorces de papier du Bengale, c'est plein de poche-fort. Mais vous imaginez une soirée chez ces psychopathes? Alors, cherche-toi, il y a des bâtonnets de carottes crues sans mayonnaise, des toasts au pain de maïs nature et du jus de papaye sans sucre. Waouh, on va s'éclater. En plus, l'homme bio pousse le vice jusqu'au bout en s'habillant bio. Il porte des tuniques en épi de maïs tressé, des chaussures en cuir de sanglier qu'il a cousu lui-même. Bien qu'il soit riche, il s'habille comme un Péruvien des favelas. Parfois, il se regarde des films bio. Ce sont des films où les effets spéciaux sont 100% naturels. Par exemple, le retour de Godzilla bio, c'est l'histoire d'un iguane qui décide d'attaquer Los Angeles et qui se fait écraser à la fin par un camion. Les enfants ont droit à Noël à des peluches bio. Ce sont des petits lapins et des oursons. Empaillé. Le médecin de famille lui pratique la médecine bio. Il vient chez toi pour te dire qu'il faut que ton corps guérisse seul et naturellement de ton infection virale. Ils ont même des forfaits EDF bio. C'est un forfait où tu payes 30 euros par mois et EDF t'envoie des bougies. Il y a même des boîtes de nuit bio. Tu fais la queue pendant 2 heures, tu peux rentrer dans une grotte. À l'intérieur, tu peux danser ou t'asseoir sur un rocher. Le DJ à la place des platines, il fait de la musique en sifflant dans des bouteilles en verre recyclées. Et dans cette même boîte se déroule l'élection de Miss Bio. C'est une femme qui s'épile pas, qui se coiffe pas, qui se maquille pas et qui n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Oui, une femme moche. Et ce qui est bien, c'est que dans ces soirées, on peut faire des blagues bio. Tu vois, les blagues bio, c'est comme nos blagues à nous, sauf que les fruits et les légumes sont 100% naturels. Michel, viens voir. Attends, je vais mettre une boîte. Hey, qu'est-ce qui est jaune? Biodégradable, commerce équitable, développement durable, qui respecte les normes NF, UE, OMS, WWF et qui traverse les murs. Une banane naturelle magique. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Les produits bio ont quand même un avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils sont un petit peu moins chers. Je déconne. En tout cas, j'espère que ce petit morceau vous a plu, parce que moi, de mon côté, j'ai quand même beaucoup travaillé pour avoir un jeu de comédien 100% naturel. Merci. C'est vrai que c'est donné le bio. Hein. Bon, la suite, c'est donc au Théâtre Pandora à Paris actuellement. Est-ce que Maurice peut éviter de donner des coups de poing dans son micro? Ce serait très sympathique. Ouais, surtout. Excusez-moi. Je suis vraiment navré. Au moment des chutes de mes blagues, c'est un peu embêtant. Donc, actuellement au Théâtre Pandora à Paris, qui est 30 rue Keller dans le 11e arrondissement au métro Bastille. Vous venez nombreux. Hein. C'est tous les vendredis à 21h. Jusqu'au 23 septembre, dépêchez-vous. Tu t'attaques au bio parce que t'aimes pas ça ou oh bah attends, parce que c'est des sales cons. C'est de l'arnaque. Ah, ouais. Oh, il y a des trucs bio qui sont bons. Non, en fait, pour dire la vérité, moi, le bio, en fait, moi à la base, je suis pas forcément contre. C'est juste le concept de dire c'est naturel, donc c'est mieux. Là, je trouve que c'est une arnaque. Il y a un truc que je me demande quand même. Est-ce que ça existe les moules bio? Je connais les moules. Les moules bio, je sais pas. Faudrait qu'on ait un numéro de téléphone pour pouvoir se renseigner. Ah, donc tu veux parler des huîtres bio? Ah, les huîtres et les moules. Les huîtres et les moules bio. Je crois que Maurice à ce propos a un numéro d'urgence à nous communiquer. Connais-tu le numéro des ostriculteurs? Numéro de quoi? Du bassin d'Arcachon. Il y a quand même trois mots à retenir. Le numéro d'urgence. Ah, connais-tu, mon cher Mathias, le numéro d'urgence des ostriculteurs du bassin d'Arcachon? Pas du tout. C'est 118 218. Celle-là, alors ça me plaît. Attends, il a pris des cours de diction pendant tout l'été. Ah, c'est pas possible. Là, c'est passé comme une lettre à la poste. Une blague avec six mots quand même qu'il a sorti comme ça sans se tromper, c'est pas mal. Il a bossé. Il y a du progrès. Lui. Alors juste après la pause. Oui. Des points à marquer parce qu'il quand même, oui, qu'on joue un peu. C'est l'épreuve du trivial. Ah. Donc restez avec nous si vous aimez jouer. Car nos deux équipes vont jouer et il y aura un nouveau flash spécial dans quelques instants. Bon, en attendant, passe-moi les chips. Retourne, on va se marrer avec Mathias Seigné juste après la pause. Ouais. Retourne, on va se marrer avec Mathias Seigné. Mathias qui vient nous voir à l'occasion de son One Man en toute absurdité. Tout à fait. Donc si vous avez envie de rire, c'est actuellement au Théâtre Pandora à Paris. Exactement. Et puis si vous avez envie que Mathias vienne vous rendre visite en province, vous allez le retrouver sur sa page Facebook. Donc dans l'émission, il y a une épreuve qui est l'épreuve du trivial. J'ai tiré au hasard. Ça on le sait que ça fait des années que tu tires au hasard. Deux cartes dans la boîte triviale de 1987. Ah, l'original. Non, c'était 85. 85, pardon. Oui, 1985. Donc, première boîte. Si on te pose la question, quelle est la capitale? Je suis né en 85. Ah, tu vois, donc, si on te pose comme question de quel pays Moscou est-elle la capitale, tu réponds La capitale de l'URSS. Voilà. En 85. Donc c'est un boîtier trivial qui fête ton anniversaire. Alors. Exactement. Très bien. T'as pas réussi à collecter des fonds pour un. J'espérais, mais. Récent. Alors, donc deux cartes, une pour chaque équipe, pour éviter toute contestation ultérieure, parce que nous avons dans les équipes de mauvais joueurs. Tu comprends. Ici, ça. Mais on ne le cite ici, pas. Ici, ça triche. Pas du tout. Bob, est-ce que tu veux la une ou la deux? Je veux la une. Donc celle-ci. Voilà. Je veux pas la deux. Ah, tu les échanges pas, Philippe. Non, je les laisse là. Donc voilà, ça sera votre carte. Voilà. Donc sur chaque carte, il y a six questions. Le but du jeu, c'est de répondre au plus grand nombre de questions. Chaque question, un point marqué. Si une équipe ne sait pas répondre, l'équipe adverse peut répondre à sa place et marquer le point. Et il peut aussi y avoir une réponse cache. C'est-à-dire que si un membre de l'équipe a la réponse et en est sûr et certain et sûr de ne pas se tromper, il dit cache, il donne la réponse sans se concerter. Voici donc la première carte pour l'équipe des vieux cons. Merci. Est-ce que vous êtes prêts, Bob? Non. Mais nous, on est toujours prêts. C'est parti. Quelle est la capitale du Texas? Top. Saint-Antonio. Cash. Saint-Antonio. Austin. Il a dit cash. Hein. Oui. Bon. Austin. C'est correct. Ah oui, c'est deux points quand on dit cash. Hein. J'avais oublié cette règle-là. Quel nom se cache derrière les initiales JR? Oh bah on est en... Là, il faut vous consulter. Ah, c'était, tu sais... On reste au Texas. C'est Dallas. Oui. Dans Dallas, voilà. Ah, nous, on peut dire cash? Non, rien. C'est eux. C'est leur carte. On les laisse perdre. John quelque chose. Jeune? Bah, t'as regardé jeune. Dallas, Maurice. Jeune retraité? Mais comment je fais? C'est pas connais. Junior, machin. C'est... Truc, Bah, sa mère, elle l'appelait par son prénom. Oui, elle c'est vrai. C'est pas Junior. Comment ? C'est pas Junior, tu sais. Les Américains, ah, ils disent toujours John Junior, machin Junior, machin, je sais pas quoi. Enfin bon, ils sont tellement débiles. Hein. Nous, on sait. Hein. Enfin, j'en sais. Une réponse, il nous faut quand même une réponse. Au pif. Donne-moi un prénom par R, un prénom américain. René. C'est américain. John René. Ronald. John Ronald. Ronald. John Ronald. Non. Non. Manu. John Ross. Voilà. Oui, ah bah oui, c'est correct. John Ross, et oui. Mais ils s'appelaient John tous. John Ross Junior, son fils. Le père s'appelait John Ross, oui. Surnommé Jock. Ouais, Jock. Le fils s'appelait John Ross, surnommé JR. Le vrai JR. Et le petit s'appelait John Ross. Voilà. Quel. Oh, donne-moi à boire. Et ça revient l'année, ça revient l'année prochaine, Dallas. Quel pays. Là, c'est une question pour Bob qui est très fort en histoire. Quel pays avait banni Aristote, Shakespeare, et Dickens jusqu'en 1978. Ah. Aristote, Shakespeare et Dickens. Aristote Onassis ou... C'est oui. Aristote, il était grec. Jusqu'en 1978. Il s'est passé un truc là. Ouais. Quel pays ? Attends, là, il n'y a pas de cash là. Je croyais que Bob allait. Mais attends, mais tu sais quoi, c'est que je pense à la que c'est con, la Chine, là. Mais je ne suis pas sûr. Oui, allez, dis la Chine. Allez, vas-y, vas-y. De toute façon, ils aiment avec rien. Avec la révolution culturelle. Ne regarde pas. La Chine. Mao Zedong, moi, c'est correct. Oh, joli. Ah, oh, ah non, mais il a pas dit cash. Oh, hein. Non, il a pas, il a pas dit cash, mais c'est lui qui l'a dit quand même. Oui, mais il a pas dit cash. Voilà. C'est un point, pas deux. Hein. De ça, quel animal Zeus prend-il la forme pour séduire Leda ? Facile. Ah. Non, mais t'as vu les questions. Mais c'est Leda, c'est Bob qui a choisi la carte. Leda, c'est bien les questions de 85. Non, c'est Lada. C'est des vraies questions. Zeus. Là, on situe bien. Il a pris la forme de quelque chose pour séduire Leda. C'est qui ? Un cheval, non ? C'est qui Leda ? Un cheval, non ? Moi, je pense que c'est ça. J'attends votre un cheval. Un sphinx. On va dire ça. Un sphinx. Un cheval. Mais c'est un animal. Alors, attends, assez, d'accord. Hein, assez... Alors, attendez, je prends laquelle ? Le cheval ou le sphinx ? C'est un animal, ah oui, le sphinx qu'on trouve pas mal dans les zoos en ce moment. Donc, le sphinx ou le cheval ? Le sphinx, vous me dites ? Oui, le sphinx, oui. Le sphinx ! Non. C'est quel cheval ? Le cheval ! Non, le taureau, non ? Attention, oui, oui, le taureau. Ils ont perdu. C'était pour séduire. On n'a pas répondu. On n'a pas répondu. Alors, vous il me dites en taureau. Taureau. Le taureau. Et moi, j'ai entendu la réponse qui venait du bar jusqu'ici, c'était le cygne. Ah ! Ah bah oui, parce qu'on dit fais-moi un cygne. Bravo, René. Fais-moi un cygne. Je suis désolé. Bravo. Alors, quel est... La bord du cygne dans le... Oh, ta gueule. Allez, quel oiseau nage, eh ben, on en parlait, tiens, mais ne vole pas ? Le pingouin. Je cache, oui. Je... Le pingouin, c'est pas le manchot. Et non, c'était le manchot. Oui. Ah bah le manchot aussi. Dans quelle ville ? C'était une bonne réponse ? Oui. Dans quelle ville se déroulèrent les Jeux Olympiques en 1900 et en 1924 ? Oui, facile, stop. Non, Paris. On dit pas stop. Oui, cache, Paris. Et c'est correct. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh mon Bob ! Eh mon Bob, t'as travaillé tout l'été ? Ah bah oui, tu vois, génial. J'ai révisé. Même ça, il met au féminin. T'as travaillé tout l'été. Ouais. Bon, alors avant d'avoir votre carte, l'équipe des Maigrichons. Alors on a combien 20 points ou moins. Là, vous avez. Bob, il a gagné partout. Avant cela, je voudrais proposer. Je voudrais proposer, avant de rendre l'antenne, je voudrais proposer à Mathias une petite roulette russe. Ah oui, bah moi j'aime bien jouer à ça. Alors la roulette russe, c'est très simple. Je te propose des mots. Il a plein de trous d'ailleurs. Tu l'arrêtes quand tu veux. Donc tu choisis le mot que tu veux et automatiquement Maurice raconte une de ses blagues fétiches. Super. Top roulette russe. Poussin, Maya l'abeille, perchiste, roue de secours, zébu, merlin, araignée, sex shop et vache. Stop. Ah, c'était quoi ? Sex shop ou vache ? Non, il a dit vache. J'ai bugué sur vache. C'est une vache qui veut braquer une banque et quoi ? Attends. Laissez-le. Il raconte deux têtes. Une vache qui braque une banque. Une vache et un citron. Vache et un citron qui veulent braquer une à banque. Deux, donc ils veulent braquer. Tous les deux, ils veulent braquer une banque. La vache dit au citron. Non ? La vache dit. La vache dit. Qu'est-ce qu'elle dit, la vache ? On ne bouge plus. On ne bouge plus. Ah, bouge oh, c'est, plus. Dur, ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et le citron, il lui répond quoi? Plus un. Pas. Plus un geste. Hey, non hey, hey, hey, hey. Plus un geste. Un zeste. Alors, jamais le geste. Ah non, il n'y arrivera pas. Catastrophe. C'est pas possible. D'accord, bah, Philippe, la balle, Philippe, fais-moi un petit plaisir. Oui. Oui. La prochaine fois, fais la roulette russe, mais avec un vrai revolver. Oui. Qu'on en soit débarrassé une bonne fois pour toutes. Alors, juste après la pause, ça sera votre carte. Donc là, on va peut-être moins rire. On va cartonner, je te dis. Car pour l'instant, vous êtes mené. 3 points pour les maigrichons. 7 pour les vieux cons. Donc, va falloir remonter la pente. Eh non, il y a votre carte, il y a votre carte. Eh, comme disait la poule. Oui. Va falloir remonter la pente. Oh, jeu de mots. Allez, à tout de suite. Retourne, on va se marrer avec Mathias Seignier. En toute absurdité, c'est son one man qu'il faut aller applaudir le vendredi soir actuellement au Théâtre Pandora. Au 30 rue Keller, dans le 11e arrondissement, au métro Bastille. Est-ce que c'est facile à trouver, Maurice? Oui. Maurice est très, très bon conducteur, oui, il connaît très bien Paris. En venant de la Porte d'Orléans, on l'appelle papy.fr. Il va toujours tout droit. Ah, jusqu'où? Jusqu'à la Bastille, et après tu tournes un peu sur la droite. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, c'est votre concentration, carte. Les gars. C'est parti. Oui, oui. Dans quel pays se trouve la très touristique île de Bali? Top. Non, on dit pas cash. Top. Cash, je sais pas. Voilà. Alors, on est au bout alors. Bali. La très belle île de Bali. Polynésie. Bali. Non, Bali, super. C'est en Asie, mais. Oui, mais c'est quoi la question? C'est dans quel pays? Le pays. C'est en Asie, mais est-ce que c'est Waffen-SS, Gestapo, enfin? Ça appartient à quel pays en fait? Non. Alors une réponse. C'est l'Indonésie. C'est pas la Bulgarie. C'est l'Indonésie. L'Indonésie, ouais, je pense. Indonésie, c'est correct. Ah. Eh ben dis donc. Il a fallu du temps. On dit bravo, messieurs. Bravo. On dit bravo. Pour Sydney Lumet, s'il vous plaît. Oui, c'est la question rose. Oui. Pour Sydney Lumet. Oui. C'est qui? Combien y a-t-il d'hommes en colère? 12. Cash. 12. 12 hommes en colère. Ouais. Ça fait 4 points, ça. Non, mais tu sors tous les trucs de film parce qu'il a que ça. Ta gueule, c'est rose. Qui ouvre les portes du paradis? Waouh. C'est un film, ça. Non, c'est une question d'histoire. D'accord. Ah bah oui, le paradis. C'est un film. C'est l'histoire, en fait. Donc, et c'est le patron, il s'occupe pas de ça. Hein. Personne n'a été au catéchisme. Ouais, c'est lui qui a les clés. C'est Saint-Paul, c'est Saint-Pierre ou un Saint-quelque-chose, je pense. Non, moi non, hein. Ouais, c'est une fois, moi. Moi je dirais Saint-Pierre. Oui, ben c'est correct. Quel homme politique a écrit La métamorphose des dieux? Il est mort, donc c'est. Ah oui. Léon Blum. Général de Gaulle. Léon Blum. Non. Clémenceau. Alors la main passe, donc l'équipe des vieux cons peut répondre. Jaurès. Pierre Fitte. Ou à Alain Perfitte ou à Malraux, je sais plus. Ah, Malraux, oui. C'est pas un homme politique, ah, oui. Malraux. Ah si. Oui, c'est un homme politique. Oui. Entre là. Mais j'ai pensé à Alain Perfitte aussi. Hein. Mais on va dire Malraux, ça me paraît mieux. Moi, comme Maurice est neutre, je lui ferai poser la question. L'un ou l'autre, quand même. Pour moi, je dirais Pierre Fitte. Ah. Alors, alors. Pas Pierre Fitte, Père Fitte, connard. Oh, arrête de me taper. Oh, les meupettes chaudes. Alors, votre réponse finale. Allez, Pierre. Non. Moi, je veux pas vous influencer pour pas avoir d'emmerde. Hein. Alors. C'est vous me dites. Allez, crachez là, c'est ni l'un ni l'autre, de toute façon. C'est Pierre Fitte. Maurice l'a dit. Pierre Fitte, Philippe. Alors, Pierre Fitte. Donc, c'était André Malraux. André Malraux. C'est André Malraux. Alors, cash. Je pose réclamation. Oui. Désolé, André Malraux n'était pas un homme politique. C'était un écrivain. Il était ministre de la culture. C'est un écrivain qui a été ministre. Ça a été le premier ministre de la culture, abruti. Non. Que doit-on dépasser pour franchir le mur du son? C'est les 300 km par. Non, c'est 1000 km/h. C'est Mach 1. Mach 1, c'est 1000 km/h. Mach 1, c'est pas 1000. Je crois, hein. 1000 km/h. 1000 km/h, oui. Mac 1, de toute façon, on dit Mac 1, c'est bon. Bah, c'est toi, tu dis plutôt Mac Kane d'habitude, mais oui. Bon. C'est Mac 1, McDonald's ouais, aussi. Cave, c'est. Ah non, bah, c'est pas bon, ça qu'il veut comme réponse. Non, non, c'est pas ça que je veux. Il veut en quoi? En kilomètre heure? En miles? Non, non, non. Une réponse toute simple. Et bah. Il me semblait que c'était 300 km/h. Non, non, c'est plus que ça. Plus que ça, ouais. Oui, c'est plus que ça. Parce que c'est des avions qui. Non, ils ouais, peut-être 1000 km/h. La main passe. Attends, comment veux-tu. Non, non, la main passe. Non, notre réponse est Mach 1. Non. Que c'est doit-on dépasser bah, pour franchir le mur du c'est son Mach 2. C'est Mach 2 parce que c'est. Ah non, c'est Mach 1. Mais c'est 2000 km/h. C'est pas des rasoirs. Non, c'est 2000. C'est la vitesse du son. Alors, votre. C'est 2000 km/h, puisqu'il fallait 3 heures pour aller à New York. Il fallait 6 heures pour aller à Rio. T'étais pas parti. Avec le décalage horaire en fait, c'est ça, ça fait 2000. C'est ça. Désolé, non. T'étais pas parti de Paris, que t'étais déjà arrivé à New York. Il volait à Mach 3, hein, ou Mach 2. Il faut compter en miles, hein, parce que. Alors que moi, je bouffais en Mach 2. C'est ça la vitesse du son. Bon, alors, le Concorde. Le Concorde volait à la vitesse du son. Allez, c'est 2000 km/h. Alors, je survivrai. Je survivrai. Est-ce que pour je vais alors le mur du son? Alors, il oui. Il y en a 12 réponses. Il faut aller plus vite que la vitesse du son. Voilà. Bon, c'est correct. Quand même. Et enfin, quel est le premier Français à avoir remporté un Grand Prix David Douillet de Formule 1? Bah la cash, il faut dire cash parce qu'on va doubler comme ça. Et après on réfléchit, c'est on s'en fout. Ah non, non, non, non. Bah non. Ah bah non si là, c'est toi qui dis cash, tu réfléchis. Alors bah, tant pis, bah tant pis. Michel alors, Vaillant, non, c'est pas alors, ça. Les héros qui ça. Alors répète la question, c'est. Laissez-les répondre. Hein. Quel Français. Le premier Français à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1, c'est. L'histoire de la Formule 1. Oui. C'est. Allez-y. Non, bah non, il y avait Prost avant et tout, donc c'est pas ça. Jean-Pierre Beltoise. Non, non, non. Ah si, c'est cette époque-là. C'est moi, après, je suis désolé, hein. Je suis né dans les années. Je sais même pas si Beltoise a déjà remporté un Grand Prix. Alors, vous n'avez pas de réponse. C'était à l'épaule de Fangio. Jean-Pierre Beltoise. Allez, non. Non, c'est Alain Prost. Avant Alain Prost, il n'y en a pas eu d'autres. Moi, je pense que c'est Alain Prost. Et, c'est, et c'était Maurice Trintignant. Ah, ah oui, c'est celui-là encore. Le père de Jean-Louis. Parfaitement. C'est vrai. Oui. Le père de Jean-Louis. Alors, à l'issue de cette partie difficile. Tu nous as bien mis les oui, points. Oui, comme oui, oui. T'as bien mis, ouais. Donc, allez, à la fin de votre carte, les maigrichons, vous avez capitalisé 7 points. Mm. Seulement, les vieux cons ont 8 points pour l'instant. Ils vous mènent. Et on vous. Et on vous dit oui aussi. Surtout, il y a des infos qui nous attendent juste après la pause. Nous avons un petit flash d'informations et ça, c'est impératif. La station nous l'impose. Donc, restez avec nous. Le flash très spécial, c'est juste après cette pause. Et puis, il y aura un petit extrait aussi, Mathias. Ouais. Il y aura un petit. C'est pareil, ça peut dépanner. Moi, je veux bien qu'on. Bon, bah, ça dépannera alors. Restez avec nous. On revient avec Mathias Seignier. Retourne, on va se marrer, toujours en direct, enregistré, avec notre invité Mathias Seignier. Oh, ah ouais. Bravo. Alors, si vous êtes en région parisienne, vous, si vous êtes mobile et que vous êtes, vous acceptez de monter sur Paris, venez le voir, Maurice. Alors, au théâtre si Pandora. Non. Pandora. Bon, Mathias, fais-la toi-même. Oui, alors, venez voir Mathias Seignier au théâtre du Pandora. C'est tous les vendredis à 21h jusqu'au 23 septembre 2011. Ça s'appelle En toute absurdité, c'est un one-man show à découvrir. Voilà, c'est plein d'absurdes, c'est plein de décalages, c'est plein de vannes. Vous allez rire, vous allez venir en famille. Bon, alors Mathias, comme tout à l'heure, nous avons une obligation légale. Oui. C'est l'actualité qui prime. Voici un flash très spécial. Flash très spécial. Les bourses s'effondrent. Un spécialiste nous donne des conseils. Rocco Siffredi. Ah, mais que c'est très facile pour éviter que les bourses se cassent la gueule. Hein, moi, j'y mets un cock ring. Ah, ça sert tout le paquet, il n'y a rien qui dégringole. Hein, ah. Oui, je m'excuse, hein, j'ai la même voix que Berlusconi, mais je suis moins que tard que lui et moi, je ne me tape pas les mineurs. Hein. D'après plusieurs articles parus cet été, Coé serait homophobe. Patrick Sébastien, vous... Pourquoi Patrick quoi. Sébastien? Patrick Sébastien, vous avez un avis? Ah bah ouais, c'est génial. Coé, c'est un gros enculé de pédé. Allez, musique. Le petit Coé en mousse. On lui la fourre dans la gousse. C'est super classe. Mais je suis consterné. Affaire Bettencourt. Une infirmière aurait vu Liliane Bettencourt remettre des enveloppes de cash à Nicolas Sarkozy. Alors, monsieur le président, ça vous fait réagir, bien sûr. Alors, 1980, 1990, 2000, 2500. Ah, pardon, excusez-moi, je recomptais. Oui. Bien sûr que ça me fait réagir. Vous me dites qu'une infirmière aurait vu Liliane me remettre des enveloppes. Alors là, moi, je vous le dis tout net, hein, c'est totalement faux. Il n'y a jamais eu d'enveloppe. C'était des attachés-caisses. Alors. Et puis en quoi ça la regarde, cette infirmière? D'où elle sort? Qu'est-ce que je vous le demande? D'ici à ce que ce soit une cousine d'un des primaires socialistes, hein. En plus, c'est vrai que moi, je l'ai soulagée plus qu'elle, la vieille, hein. À coup de 150 000, elle se sentait plus légère après m'avoir vu. Ah, je crois que nous avons Nafissata Diallo pour le mot de la fin. Excusez-moi, hein. Je prépare mon prochain procès. Eh ben, c'est avec ça que je suis pas embauché chez Drucker. Bon, eh bien, après ce flash, je crois qu'il est temps pour Mathias de nous refaire profiter. Ah, je sais que passer derrière ça, ça va être dur. Hein. C'est ça qui est compliqué. Je suis désolé, hein. Je m'excuse d'avance. Oui. Parce que je vais me mettre sur la scène. Il va remonter sur sa chaise. Allez, un petit extrait du spectacle de Mathias. Saigné. Oh, okay. Merci. Alors, en fait, je voulais parler des gens qui me gonflent. Donc, première catégorie de gens qui me gonflent. Ce sont les gens, vous les connaissez certainement, les gens qui commencent la formulation de leur reproche par « ne le prends pas mal, mais ». C'est comme si on pouvait avoir un contrôle sur ce qu'on allait prendre mal ou pas. Ne le prends pas mal, mais je supporte pas ta gueule. Et ben heureusement que tu m'as dit de pas mal le prendre, hein, sinon je t'aurais défiguré. Il y a aussi les gens qui te disent juste avant que tu rentres chez eux, systématiquement, ne faites pas attention au bordel. Non, tu vois, ça tombe bien parce que on a un problème, hein, c'est que visiblement, c'est le bordel. Oui. Alors on imagine qu'il y a des sous-vêtements par terre, hein, des gâteaux écrasés sur la moquette, quelques bouteilles vides. Et alors qu'est-ce que ton hôte te propose gentiment, hein, comme solution pour remédier à ce problème? De ranger, non. D'aller ailleurs, non plus. Hein. De ne pas faire attention, c'est quand même génial. C'est comme si une infirmière, avant de te faire une piqûre, te disait « Monsieur, ne souffrez pas, souffrir, ça fait mal, et en plus, ça sert à rien. » Maintenant, je le fais avec tout. Hein. Oui, je sais, oui, je sais, chérie. Oui, je sais, je suis un gros con. Mais ne fais pas attention, hein. Tu verras, ce sera beaucoup plus vivable. Il y a aussi les gens qui te disent juste avant que tu partes en voyage, prends soin de toi. Et ben heureusement, parce que moi toute l'année à Paris, les gens le savent, hein, je me lave régulièrement, je mange à ma faim, je respecte mes temps de sommeil. Alors dès que je passe le périph, me vient comme une envie de me fouetter le dos à coups de ceinture et de m'éclater la gueule contre tous les trottoirs qui passent. Et souvent, ces gens ont le don pour en rajouter une couche. Amuse-toi bien et profite de ton voyage. C'est formulé comme une injonction. Mais c'est quand même dommage parce que moi, là-bas, j'étais quand même parti 2 semaines à Marrakech pour me faire chier dans ma chambre d'hôtel à mater l'intégrale de l'inspecteur d'Eric. Il y a aussi les utilisateurs de Facebook qui laissent des commentaires orientés sur des photos de filles qu'ils connaissent à peine. Genre... Je te trouve super mimi sur cette photo. Mais qui c'est qui t'a demandé ton avis? Pour moi, ces mecs sont l'équivalent. Sérieux, pour moi, ces mecs sont l'équivalent des acheteurs sur eBay qui font monter les enchères mais qui n'achètent jamais l'objet. On dirait que leur seul kiff dans la vie, c'est de s'amuser à te faire payer 40€ ce que tu pourras acheter 20€. Parce que le problème, c'est que toi, la fille, tu la connais. Et que ça fait des semaines que t'essayes de te la mettre dans la poche. Et que si tout le monde commence à lui laisser des commentaires pour lui dire qu'elle est jolie, après, c'est... C'est foutu. Elle partira très loin de ce monde sur une planète qu'on appelle la planète des belles. Et sur cette planète, on t'apprend beaucoup de choses, mais surtout à devenir très, très, très exigeante avec les garçons. Ouais. Alors, je veux un homme fort, un bagarreur, mais pas violent. Beau, mais pas coquet. Riche mais pas radin. Charismatique et imposant, mais qui me laisse regarder Desperate Housewives quand il y a du foot. J'aime bien les hommes qui sont déjà mariés, mais seulement s'ils sont fidèles. J'aime bien aussi les hommes qui ont des origines africaines. Mais seulement s'ils ont les yeux bleus ou verts, qui ont de l'humour, mais jamais pour se moquer de moi, qui sont sincères. Enfin, sauf pour critiquer mon physique. Bon bah écoute, je vais te laisser mon CV, ma lettre de motivation, hein. Et on se retrouvera dans 20 ans, quand tu seras moche. Il y a aussi les gens qui font les blagues toutes faites dans les soirées, vous savez, les blagues toutes faites. Ça gazouille, ça roulotte. Merci beaucoup. Impeccable de peccable, gigot d'agneau. À demain, demain, à toute allure. T'as envie de leur dire, mais arrête de croire qu'on est tous amnésiques ici, hein. Impeccable de peccable, c'est même pas un jeu de mots, qu'est-ce qui t'arrive? Le mot peccable n'existe pas. À ce moment-là, je vais t'aider, tu prends un dictionnaire et tous les mots qui commencent par un, tu les déclines avec deux. Insouciant, deux souciants, inflammable, deux flammables. Dépêche-toi parce qu'il y a du boulot. Il y a aussi les couples d'amoureux, je sais pas s'il y en a ce soir-là, qui portent une moitié de cœur autour du cou. Non, je crois qu'on est au top du ringard. Là, je crois qu'on dépasse des limites. Un jour, une fille m'en a offert un. Je dis chouette, une moitié de cœur. Bah écoute, il devrait faire la même chose avec les maisons. Ça facilitera les choses 5 ans plus tard pour le divorce. Il y a aussi cette nouvelle mode là, les parents de nourrissons qui mettent une vignette dans leur voiture. Attention, bébé à bord. Non, mais est-ce que tu crois franchement que le mec bourré qui roule à 220 km/h à contresens, il va lire la vignette, il va taper un grand coup de frein. Non. Je veux bien tuer un vieux, un adulte, un enfant à la rigueur, mais pas un bébé. C'est tellement mignon. Je vais me déporter sur le quart de touriste, il y aura 67 morts et 13 blessés graves, mais eux, ils ont tous plus de 25 ans. Ouf! Est-ce que tu crois que quand ils ont accompagné le petit chez la nourrice et qu'ils vont amener mamie à la maison de retraite, ils retournent la vignette, elle y a marqué « Vas-y, tu peux y aller, elle a Alzheimer !» Et pour finir, je ne supporte pas les parents qui disent en permanence à leurs enfants « Finis ton assiette de gratin dans des veaux cumins. Tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants en Somalie qui meurent de faim. » Je ne sais pas si en finissant mon assiette, il y aura moins d'enfants en Somalie qui vont mourir de faim. Mm-hmm. Mais je peux te dire en tout cas qu'il y aura plus d'enfants français qui vont vomir ce soir après 22h. Merci. Bon, la suite, c'est au Théâtre Pandora à Paris, rue Keller. Ouais. Et puis si vous voulez le voir venir en province, il faut l'inviter sur Facebook, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, voilà. C'est Mathias Seigné. Oui. S-E-N-I-E. Mathias, dans quelques secondes, nous allons avoir un petit quiz de Frédéric qui nous le sort chaque semaine. Prenez papier et crayon pour jouer avec nous. On revient juste après la pause avec Mathias Seigné. Retourne, on va se marrer avec Mathias Seigné. Ouais. Mathias, qu'on va aller applaudir dans son one man en toute absurdité. Pas à sauter. Oh là là. Théâtre du Pandora. Théâtre Pandora. Au théâtre Pandora, 30 rue Keller, dans le 11e arrondissement, au métro Bastille. Où? C'est tous les vendredis à partir de 21h jusqu'au 23 septembre 2011. Métro Bastille, où? Oui, le Drurol, hein, non? Bravo, j'ai... Ah, oh oui! Mais moi, je suis un vrai Parisien, c'est la différence. Non, mais l'autre, il se vantait tout à l'heure. Oui, c'est à droite, mais... après la Bastille. Mais c'est bien, mon moment. N'écoute pas ce méchant. Bon, alors, Frédéric, chaque semaine, nous le sort. Oui. Et ça les affole. Son petit quiz. Bon, c'est un petit quiz. Hein, c'est pas... Oh, voilà. Ça fait déprimer la planète. Ah, mais il fait 8 hein, de longueur. Ah, quand même. Très bien. Un petit quiz avec des humoristes. Tiens, on va démarrer la saison avec 8 humoristes à trouver. Je vous ai pas trop assaisonné pour la première. Heureusement, parce que là on n'est pas doué. Enfin, il y en a un ou deux un peu difficiles quand même. Ah. Un petit rappel important, Bob. Ah oui, le premier extrait. Ah bah je sais plus. T'as oublié. Bah oui. Maurice. C'est le jingle. Parfait. C'est le jingle. Ah, je sais pas, c'est la chaleur ou quoi. Je suis complètement pété en ce moment. Ah si, excuse-moi, ça me revient en te causant. Ah oui, j'ai mis pour commencer « Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. » Oh, t'es en forme, chaud, mais pas fatigué. Non, ça suffit, va prendre ta douche et reviens demain. Bon, 6h, on est demain. Ouais. Ah non, allez, va dormir un petit peu quand même, allez. De la viande et des patates. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Un filet de bœuf. Et après, un pavé de bœuf. Et ce soir, une côte de bœuf. Et comme légume, une patate. De longs jumeaux, tous. Hein. Vous leur demandez d'où ils viennent, ils répondent toujours longs jumeaux. Doit y avoir un nid là-bas, je sais pas. Moi, je sais pas, je connais pas la banlieue, hein. J'y suis jamais allé. Vous me direz qu'il n'y a pas besoin d'y aller pour connaître. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de films et de reportages que de bus qui t'y emmènent, alors. Bernard, je fais ce que je peux. Hein. Mais j'aime pas, ça me fatigue en plus. Puis ça me fait mal au coude. Et c'est toujours la même chose avec toi. Alors demande-moi de faire un clafoutis ou une sole meunière, je veux bien. Mais ça, ça me fatigue. En plus, tu sais très bien que je suis pas du matin, hein, moi. Non mais qu'est-ce qui est mou, j'entends, c'est mou. La casserole est molle. Mais où vous l'avez trouvée, cette casserole? Sous l'évier. Mais sous l'évier, c'est tous les récipients qui sont plastiques. Alors forcément, si vous les mettez sur le feu, elles font la casserole. Passe-moi, Pascal, passe-moi, Pascal. Tu t'en vas? Ah ben, va-t'en. T'as qu'à me tuer pendant que tu y es. Hein? Quoi, tu y es? Hein? Tu reprends ta liberté? Mais tu sais rien faire, ma pauvre fille. Je te rappelle que faire des chèques, c'est pas un métier, hein. Mais je dois dire qu'elle m'avait prévenu très gentiment. Elle m'avait dit, vous allez voir, c'est une fermette à retaper. J'ai tout de suite vu, d'ailleurs, qu'elle avait déjà été tapée un bon coup. Un obus. Alors, j'ai acheté les pans et mon Dieu, je suis content comme ça parce que le soir, quand je sors du théâtre, je rentre chez moi et là, je dors à l'air libre puisque le toit, on s'en est servi pour finir la cuisine. Mais... Alors, pour vous dire que sur les plus vieux humoristes, Bob s'est rué sur sa feuille. Alors, pour les plus jeunes... Il y en a 8. Rien. Il y en a 8, oui. Il y en a 8. Moi, j'en ai 4, donc je suis vraiment pas sûr. On va faire comme Maurice. Alors bien sûr, on laissera l'invité d'abord proposer quand oui, il a. Oui, tout à fait. Bien sûr. Maurice a trouvé le premier. Oui, moi aussi. Sylvie Joly. Non. Oh, mais non. Là. Je sais pas, c'est la chaleur. Alors, Mathias. Je suis complètement pété en ce moment. Il vient de le dire. Ah, c'est Sylvie Joly. Ah, Sylvie Joly. Bravo, Mathias. Excellent. Bravo. Mon Johnny, je t'aime. En forme, chaud, mais pas fatigué. Non, alors, ça suffit. Danny Boone, oui. Bravo. Oh, c'est ça, on est demain. De la viande et des patates. Florence Foresti. Oui. Un filet de bœuf. Alors après, c'est un copain, et Mathias. Comme légume, une patate. Ouais. C'est mon grand copain. Tout ça. Vous leur demandez Laurent Ruquier. Répond toujours. Ah, oui, c'est mon ami. Doit y avoir un nid là-bas, je sais pas. Alors après, levez la main ceux qui ont trouvé. Je fais ce que je peux. Mais j'aime pas, ça me fatigue en plus. Puis ça me fait mal. Moi j'ai mis Virginie Hoc, mais oui, ouais. Alors demande-moi de faire un. Non mais qu'est-ce qui est mou, j'entends, c'est mou. Je ne sais pas. Ah, oui, ah là moi j'ai trouvé. Moi. Ah oui. Il y a son fils qui fait maintenant. Oui. Alex. Sous l'évier. Alex Métayer. Alex Métayer. Alex Métayer. Tu t'en vas? Ah bah attends. Je ne sais pas. C'est celui qui me manque. T'as qu'à me tuer pendant que tu y es. C'est le pote. C'est ton pote ça? Quoi tu y es? C'est pas le Black? Pas du tout. Hein? C'est un ancien, ça? Non, non, c'est un actuel. Moi, tu sais rien faire, non, ma pauvre fille. Récent. Je te rappelle que faire des chèques, c'est pas un métier, hein. Il a un prénom composé. Jean-Paul. Non. Jean-Baptiste. Celui-ci ne s'est pas suicidé. C'était François-Xavier de Maison. François-Xavier de Maison. Ah, oui. Oh, joli. Oh, joli. Oh, joli. C'est une ferme le dernier. Ça, c'était facile. J'ai tout c'est pour moi, c'est facile. Bah oui. Robert Lamoureux. Oui. Bravo, Bob. Bravo, Bob. Bravo. Non, mais moi, je savais, je voyais le personnage, mais le nom, je m'en rappelle pas. Si vite. Il doit s'en souvenir, Robert. Bon, je pense quand même qu'on... deux choses. D'abord, on peut applaudir l'invité qu'elle a trouvé ce soir quand même pas mal. Hein, c'est bien. 4 ou 5. 4 ou 5, c'est bon. Et dis donc. Pardon. Et mes acclamations. Ah, et les acclamations de Don Salus. Ah, bravo. Alias Frédéric Coster. Viva Don Salus. Ah bah, merci. Mais tremblez pas comme ça. Bon, allez, avant de rendre l'antenne, une dernière tournée de blagues parce que les auditeurs l'attendent. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Maurice. De quelle manière se reproduisent les... Oh là là, non! Pas en fin d'émission, on est à deux doigts de rendre l'antenne! Est-ce que t'as vu le papier qu'il a dans les mains? Oui. Bah oui. Hein? Allez, Boris, on l'a refait. De quelle manière se reproduisent les hérissons? Les hérissons! Oh. Yeah. Alors! Allez! Maurice! Avec beaucoup de précautions. Voilà. Elle est bonne, celle-là. Match de foot en Éthiopie, bilan 450 morts. En effet, l'arbitre a levé un carton jaune, le public a cru que c'était une biscotte. Ah. Maurice, est-ce que tu connais la blague du chauffeur de bus ? Non. Moi non plus, j'étais assis à l'arrière. Allez hop là. 40% des accidents sont provoqués par l'alcool, ce qui veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. Oui. C'est énorme. Moi, je suis inquiet. Je vois des points noirs. Ah. Ouais. Mmh. Tu as vu l'oculiste ? Non, je te dis, j'ai vu des points noirs. Il faut tenir toute la saison comme ça. Bon, alors il est temps de faire les comptes. Non. Oui. Si. Et je dois annoncer une chose très importante cette semaine. Oui. C'est que ce n'est pas l'équipe de l'invité qui remporte la victoire. Ouais. C'est l'équipe des vieux cons. J'essaie d'avoir mon BEPC. Et oui. L'invité était brillant. À un point près. Un point. L'école, elle était loin. 8 pour eux, 7 pour vous. Ouais, mais il n'y a pas eu assez de questions. Donc, on va applaudir les vieux cons qui ont gagné ce soir. Mais ça n'empêche qu'on va quand même aller voir le spectacle de Mathias Seignier. Le vendredi, 21h au Théâtre Pandora à Paris, métro Bastille. Et puis, si on veut en savoir plus, page Facebook, Mathias Seignier. Sur Internet, il y a des vidéos qui circulent. Vous pouvez voir des extraits. Tu dis ça comme si c'était des sextapes. Et franchement, venez parce que c'est super sympa, quoi. Je veux dire, il y a une bonne ambiance. Moi, je vous attends en tout cas. Bon, on va y aller. Et puis, vous retrouverez bien sûr le contact de Mathias sur la page Facebook de l'émission, puisqu'évidemment, on te mettra en relation sur notre page Facebook. C'est vrai qu'il y a la page Facebook. N'oubliez pas d'envoyer vos blagues à Maurice sur sa boîte email radio.ovsm@gmail.com. Voilà, il racontera vos blagues en direct. La page Facebook de l'émission, si vous avez envie de voir les photos et puis les contacts des invités. Et onvasemarrer.com pour les podcasts et les anciennes émissions. On a tout dit, merci de votre patience. À la semaine prochaine. Une production Radio Plus.